Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir avec AstroCenter quelle est la signification du nombre de roses et combien en offrir en fonction du message que vous souhaitez donner. Un bouquet de roses n'a pas la même signification qu'une composition de 50. En effet, la fleur de l'amour peut tout aussi bien représenter des excuses sincères qu'accompagner une demande en mariage. Tout dépend du nombre pour lequel vous optez. Pour faire passer un message subtil à votre moitié, ne faites plus de choix hasardeux. Découvrez la signification du nombre de roses de 1 à 999. Si vous offrez une rose, cela exprime de la sympathie. En effet, si vous craignez d'être encombré par un bouquet bien garni, vous pouvez tout à fait n'offrir qu'une rose. C'est approprié pour signifier à une personne que l'on souhaite la connaître davantage. Une telle attention symbolisera la sympathie et l'espoir de la poursuite de la relation. Si cette dernière relation est déjà bien engagée, une seule rose traduira des sentiments forts et réciproques, ainsi que le désir d'être toujours ensemble. Deux roses signifient amour réciproque. Une composition de deux roses représente l'amour mutuel et réciproque. C'est la plus jolie réponse qui soit si vous avez précédemment reçu une rose. Cela confirmera votre envie d'engagement. Trois roses signifient « je t'aime ». Dans cette phrase, chaque mot est représenté par une rose. Il suffit d'offrir trois roses et c'est une belle raison, une belle façon de faire sa déclaration. Offrez cinq roses pour le respect et l'admiration. Vous pouvez offrir cinq roses à un homme ou une femme lors de votre premier rendez-vous, mais aussi à un ami ou une amie pour son anniversaire, un collègue de travail ou encore votre maman, car cette attention symbolisera le respect, l'admiration, le bonheur et le succès. Offrir sept roses signifie l'amour fou. Offrir sept roses transmet un message composé de sept mots. Je suis fou de toi, mon amour. Offrir neuf roses veut dire pour toujours. Dans le langage des fleurs, un bouquet composé de neuf roses envoie le message « Nous serons ensemble pour toujours ». C'est une belle promesse à faire à l'être aimé. 10 roses signifie amour parfait. Selon les croyances, il n'est plus question d'offrir des roses en nombre impair au-delà de 10. C'est pour cette raison qu'un bouquet de 10 roses signifie que votre amour n'est que perfection. Si vous voulez demander quelqu'un en mariage, offrez 12 roses. La plupart des demandes en mariage sont accompagnées de 12 roses, en effet. Ne les offrez pas par hasard, car la signification est très forte. Offrez 13 roses pour signifier une amitié forte. Nous avions dit qu'après 10, les nombres impairs étaient proscrits. Mais 13 exprime autre chose qu'un sentiment amoureux. Offrez-les pour faire une belle déclaration d'amitié. Offrez 15 roses pour présenter des excuses. Ici, nous avons encore un nombre impair. Ce bouquet de 15 roses accompagnera parfaitement des excuses. Il est conseillé si vous avez des choses à vous faire pardonner. Offrez 18 roses pour symboliser la beauté. Vous pouvez offrir 18 roses à votre bien-aimé pour lui dire à quel point vous le ou la trouvez belle ou beau. Offrez 20 roses pour des sentiments sincères. C'est la meilleure façon de prouver la sincérité de vos sentiments. Offrez 24 roses pour dire « je ne pense qu'à toi ». Si vous souhaitez jouer la carte de la séduction, en faisant preuve de galanterie, prenez 24 roses. Elles symbolisent les 24 heures de la journée, heures pendant lesquelles vous ne pensez qu'à votre partenaire. Offrez 25 roses pour féliciter une personne ou votre moitié. Elles seront appropriées pour célébrer une bonne nouvelle ou la réussite sur les plans personnels et professionnels. Si vous voulez dire « je t'aime à la folie », offrez 36 roses. 36 roses revient à dire « je suis follement amoureux de toi ». Pour déclarer votre flamme, choisissez 36 roses de couleur rouge. S'il s'agit de vos fiançailles, optez pour 36 roses blanches ou roses. Si vous voulez dire que vous souhaitez vieillir avec la personne de votre cœur, offrez 50 roses. Un nombre aussi important de roses transmet le message suivant « je veux vieillir à tes côtés ». Si vous offrez 99 roses, cela signifie « pour toute la vie ». En gros, le message est « je t'aime et je t'aimerai toute la vie ». On peine à faire plus romantique. Pour un amour infini, offrez 101 roses. En plus d'épater votre cher et tendre, vous lui exprimerez un amour infini, un attachement unique, passionnel et indéfectible. Qui dit plus ? Voilà le plus. 999 roses. Amour éternel. Si vous avez les moyens d'offrir un maximum de roses à votre bien-aimé pour lui faire la surprise la plus romantique de sa vie, offrez-lui 999 roses. De cette façon, vous lui exprimerez votre amour éternel. Vous pouvez également regarder notre vidéo qui donne la signification de la couleur des roses. Maintenant que vous savez le nombre de roses à offrir, choisissez parmi les différentes couleurs les roses qui exprimeront le mieux vos sentiments. Nous vous disons merci et à très vite sur AstroCenter.